Nelson, tu vas essayer d'ouvrir cette porte puisque tu veux rentrer. Et bien la porte, elle est fermée. Je cloque, cloque, cloque, clique, et toc, toc, toc, et tic, tic, et tac. On se rater ça. C'est une très belle imitation. Non, mais il y avait un cahier, j'avais pas prévu. Eh bien, on vient. Eh bien, on vient pas vous ouvrir. Qu'est-ce que vous faites? La boutique? Je pose juste une question, désolé. Moi, je vais aller faire le tour. Ouais. Bah, c'était la question, je voulais savoir si elle était mitoyenne ou s'il y avait des rues où on pouvait se contourner, tout ça. Alors, vous remarquez que la boutique est mitoyenne et que Il y a elle beaucoup est comprise dans un bloc, tu vois, de. de différents bâtiments. Donc, en gros, en vrai, il n'y a pas d'arrière-boutique dans ce truc-là. Il y a une porte Ouais. et Ça une donne porte. dans la... Ça donne dans l'atelier direct. Oui, enfin, tu peux avoir tout à fait la porte d'entrée et un atelier derrière sans pour autant avoir une porte qui te fait quitter la boutique de l'autre côté, en fait. Non, C'est ouais. bloqué de gauche à droite, donc il n'y a pas de rue. Voilà. Et si on fait le tour, rien nous donne Enfin, vous n'aurez pas un accès disque à sur la rue l'arrière de la d'après, boutique on tombe puisqu'il sur n'y la a pas porte. d'arrière-boutique, en fait. Ouais. Donc en gros, il y a cette porte-là. On peut. Non, on va pas forcer ça. C'est pas. Quoique, on n'avait pas un pickpocket parmi nous qui s'est crocheté des portes. Je ne suis pas un pickpocket. Excuse-moi. Quand est-ce que vous allez me Habile comprendre? de ses mains et de ses doigts, capable de faire sceller une série. Je ne sais pas faire ça en fait, même si. Donc on n'a pas Catherine! ça, tant pis. Dommage. Mais moi j'ouvre la porte, j'essaie de l'ouvrir, hein. Mais oui, mais c'est ce que C'est j'essayais de faire. fermé. Nelson se Ah, met mais une la clé, chose dans mais la il bouche. s'est ouvert. Je suis. Oui, mais c'est Oui, fermé. c'est. Je n'aime pas, c'est suisse en fait déjà. Ok, je vais laisser me déchauffer. Ouais. Tu On essayes fait le alors? tour. Oui, Crochetage, c'est quoi? Non, Non, moi mais j'ai je crois. peux pas, j'ai C'est une porte à vitre, c'est une un. porte. Je sais pas crocheter. C'est Alors une porte à attention, vitre. C'est une attention, porte à vitre ou en bois? après, C'est c'est une vitre, mais vous êtes en pleine journée Voilà, je me dans disais la une vitre, quoi. rue. Moi, À l'étranger. c'est la seule chose que je vous dis, Ouais. c'est tout. Et y a des gens qui passent, on est vraiment Oui, seul là. il n'y en a pas énormément, mais ça passe de temps en Et il n'y a pas. temps. Voilà, bah, moi j'arrête Vous voyez quelqu'un. qu'en face de la boutique, il y a un petit café. Bah voilà, bah, je vais On y au. Ah va. tiens, pardon, j'ai une notification qui me dit que la petite pause vient de commencer un live sur Toulouse. Ouais. Je vous conseille de regarder. Je vais au café d'en face, enfin, je préviens mes amis que je le fais évidemment, je vais pas partir comme ça sans rien leur On dire. y va avec Et toi. en fait là-bas, bah tu sais, en m'asseyant un peu, je sais pas si c'est un comptoir ou quoi, mais voilà, en parlant à la personne qui sert un café, je lui commande un petit café, je lui commande un truc pour mes amis s'ils en veulent un. Et je lui demande, ah bah vous savez, il y a les taxes Wellington et fils, ils devraient pas être ouverts à cette heure-là, on a essayé d'y aller, impossible de rentrer. Ah ben si, normalement. Alors, vous voyez que quand tu demandes ça, c'est une dame qui tient le café. Elle a la façon dont tu sais, c'est une dame assez costaud qui a des couettes de chaque côté. En mode. Voilà. Si elle s'appelait Gertrude, tu serais pas étonné. Et te dire. Ah, je ne crois pas. C'est vrai qu'ils doivent être ouverts. Hein, elle se retourne vers son mari qui est là. Ils devraient être ouverts normalement. Ah bah oui. Pourquoi vous voulez quelque chose? Bah, vu qu'on La essaie de doudou? rentrer dans leur boutique. Service, hein, évidemment, vous savez. Bah vous savez, on discute pas trop avec eux, ils sont assez solitaires. Donc Je comprends. C'est pas un métier aussi qui a une grande reconnaissance, hein. oui, bon, écoutez, moi empailler des animaux, je trouve pas ça vraiment très très sain d'esprit. Je comprends. Du coup, vous avez vraiment aucune information de où est-ce qu'ils peuvent. Disent que c'est Ah, ouvert alors qu'une honnêtement, je possibilité de saurais pas rentrer. vous dire, hein. Bon, c'est très gentil. Du coup, je bois mon café, je fais boire mes amis s'ils avaient soif. Et... Moi, je vais faire le tour du bâtiment, hein, comme on a dit. Toi, je te laisse parler. Allez, on va zoner pour voir à peu près ce qu'il y a au centre, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Je mets la main à ma poche, je donne un grand coup dans la vitre pour pas faire trop bobo à la... Non, mais fais pas ça en plein jour. Mais surtout que le café d'en face, il est ouvert, il y a des clients, il y a plein de témoins. Hein. Ouais, bah, je sais pas. D'ailleurs, vous voyez vite fait sur un journal qui est posé sur une des tables, le titre principal, hein, que vous voyez, Conférence de Lausanne. Et que si vous lisez, si vous prenez le temps de lire, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui prend le temps, oui. Ben vous voyez que c'est une conférence qui réunit des délégués turcs, anglais, italiens et français, et qui sont en train de négocier du coup pour le traité de Lausanne, hein, pour savoir comment va être morcelé et ce qu'ils vont faire de l'Empire ottoman. Ah. Oui, c'est logique du coup qu'il y a autant de gens, d'autant de nationalités. C'est ça. Voilà, et donc ce traité a commencé en novembre 1922 et ils sont toujours en train de négocier pour savoir ce qu'ils vont faire de l'Empire ottoman. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment à Lausanne. Voilà. Ok. Bon. Est-ce que nos chers Wellington, les fils... Du coup, donc toi, tu Peter, tu as décidé de faire un peu le tour. Je fais le tour. Tu vois, malheureusement, que il y a effectivement de l'autre côté, tu vois un mur. Un mur assez haut. Et tu devinerais presque que si tu franchis ce mur, tu pourrais presque atteindre le bâtiment. Mais tu vois que en fait, derrière ce mur, il y a un espace vide. En fait, c'est comme une cour, quoi. C'est l'impression qu'il y a après, si on attendait au café un moment, on se pose. Si c'est juste en face, on a juste à attendre et voir ce qui se passe, hein. Mais tout comme moi, ouais, on attend. Au lieu d'entrer par effraction ou d'essayer de casser des vitres, on regarde ce qui se passe. C'était une solution comme une autre aussi. Eh ben, vous, si vous voulez attendre, vous pouvez boire un petit café en attendant. Vous allez attendre environ une bonne demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, la porte du magasin s'ouvre. Et vous voyez un homme sortir, un homme plutôt grand, très fin, limite un peu chétif, les cheveux courts, il a l'air d'être dans la trentaine, quarantaine peut-être, a priori de ce que vous voyez. Et vous voyez qu'il sort, qu'il referme la porte derrière lui et qu'il se dirige... Vers le tabac. Moi, je l'arrête, hein, s'il faut. Oh, bah, vas-y, arrête-le. Je vais en trottinant vers lui. Et je l'interpelle, je dis, monsieur. Oui. Vous êtes bien Edgar Wellington ? Oui. Mes amis et moi, on a à vous parler. Il s'agirait d'un certain parchemin que vous avez en votre possession. Tu vois que il est... Quand tu lui parles d'un parchemin, d'un coup, il commence un peu à se rentrer un petit peu... se recroqueviller un peu sur lui-même, tu vois, comme si il se tendait d'un coup, tu vois. Un parchemin, mais de quoi vous parlez ? Je ne connais pas de parchemin. On a eu votre télégramme de chez les Lorient. La famille Lorient. Ah. Ah. Ok. Suivez-moi. Donc, tu vois qu'il... Suivez-moi. On peut pas en parler ici. Quoi. Donc tu vois que... Oui, je comprends. Il vous fait rentrer dans le magasin. Et vous voyez que c'est un endroit assez glauque, avec des animaux empaillés un peu partout. Une odeur vraiment forte, très désagréable, un mélange de parfums. Conservateur. Oui. Un mélange de parfums, de fleurs, très puissants, et en même temps de la chair en décomposition, puisque tout ça, ça se mélange dans un espèce de bouquet fleuri qui est vraiment pas agréable du tout. Et vous voyez que c'est une boutique qui est plus ou moins bien agencée, même si bon, c'est pas ouf non plus, tu vois. Et il lui dit, bon, écoutez, attendez-moi là et j'arrive. Et c'est sur ce petit instant de comment dire, de bouquet garni qui empeste la chair en décomposition. Je prends un peu d'ail dans mon nez. Que nous allons nous laisser. Je vais lancer l'outro. Et je suis à vous. Et en plus, je viens de me rendre compte que j'ai oublié